Reprise d'entreprise. À l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, l'employeur entrant avait subordonné le bénéfice de deux avantages en vigueur dans l'entreprise d'accueil, à savoir une prime de productivité et une prise en charge par l'employeur des cotisations salariales de retraite complémentaire, à l'abandon par les salariés transférés des droits issus des usages et engagements unilatéraux et des avantages individuels acquis en application d'un accord collectif dont ils bénéficiaient chez leur ancien employeur. La Cour de cassation s'est opposée à cette opération. En effet, selon la Haute Cour, il n'est pas possible à l'employeur entrant de subordonner le bénéfice du statut collectif applicable dans l'entreprise d'accueil à la renonciation par les salariés transférés à un droit qu'il tire des effets légaux du Code du travail.